You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et bonsoir, bonsoir. So, tonight, I'm going to start the show by myself because Adrian is out and Romain is late. So, he has prior obligations that got him like a little bit late, but he'll be there eventually. We're not talking about any snow on the road, so we should be fine. And tonight, there's no special theme because I was getting tired of the special themes. So like last week, we're going to play songs that are just recently acquired, not necessarily new songs. Some of them are. Some of them are from new albums that are like 2024, 2023, and some of them are older. So the only guarantee is that they're all going to be in French language, and except for some, because some of them are going to be instrumental. So how do you tell a French song from an English song if it's instrumental? You can't really, unless you know the name and the artist. Well, we're going to start tonight with Renaud. We're going to listen to two songs from Renaud. Renaud, who's Persian and has been singing for a very long time and had a bit of a reputation of a rebel. And the two songs he's going to sing is from his album called Renaud Chante Brassens from 1995. And he decided to do some cover of Brassens. So the first one is a pretty short one. It's called Les Illusions Perdues, The Lost Illusions. And then the second one is going to be Le Bistrot, or the cafe, you know. Yeah, bistro is kind of like a cafe, but not necessarily. It's more casual. It's not like the fancy kind. It's more like the local kind. And we're going to listen to one instrumental that is French, but it's from Maxime Baudin. And it's La Maison de France, The House of France, and Friends. And it's from his album Rose Planet, Pink Planet or Planet Pink. And I just got it on Bandcamp. So, all right, on y va. And you can follow us on kfi.org. On the upper right corner, there's a button called Playlist or Link. And if you get there, you'll see the name of the song appear as we play them. All right, on y va, c'est parti. Ma première bulle de savon, il y a plus de 50 ans, depuis je me morfonds. On jeta mon père Noël en bas du toit. Voici belle lurette et j'en reste pantois. Premier amour déçu, jamais plus officiel, je ne suis remonté jusqu'au septième ciel. Le bon Dieu déconné, j'ai décroché Jésus de sa croix, n'avait plus rien à faire dessus. Les lendemains chantaient, oural, oural, bravo. Il m'a semblé soudain qu'il chantait un peu faux. J'ai couru pour quitter ce monde saugrenu, me jeter dans le premier océan venu. Juste vogué par là, le bateau des copains, je me suis accroché bien fort à ce grappin, et par enchantement tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespéré, et par enchantement tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespéré. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace. Tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent en rang comme des harengs, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse. Que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, voilà ce. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place, ses trésors exquis qui les embrasse, qui les enlace. Vraiment c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on y fasse? L'amour se fait vieux, il n'a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste ou gare à la casse. Car sa main qui claque, punie d'un flic-flac, les audaces. certes il n'est pas né, qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornes à ce gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace. Et voilà, voilà. So, three songs to start with. The first one was from Renaud, as well as the second one. It was Les Illusions Perdues from Georges Brassens. And then the second one was Le Bistrot, also from Georges Brassens. Funny song, you know, like dirty sinkhole. And yeah, and the boss, not the boss, but the owner is like dirty and not cool, but and his wife is great, and that's why the regulars come in. And then after that, it was Maxime Baudin with La Maison de France. And it was from his album Rose Planet from 2020. And we're going to keep going. We're going to change the pattern a little bit because La Maison de France was really kind of dreamy and very nice. But we're going to listen to two songs from Danny Briand. Danny Briand was very famous in the 90s, 2000, and was singing like kind of like old-timey songs, and that's still a little bit the case. These ones are very uplifting, though. We're going to listen to the song called Internet, or Internet, and the other one is Caroline est en colère. Caroline is angry or upset. And then we're going to listen to Marianne Dissard with Écrivain Public, Public Writer. And it's from her album L'Abandon, and it's kind of like a best of from 2011 to 2019 remastered. So, all right, on y va. Internet, ça embête, mais aussi ça instruit. Le confort, ça endort. Les kilos, c'est pas beau. Prends photo, tout est faux. Tous mes traits sont filtrés. Je ne peux plus me supporter. Au canapé suivi, c'est je ne fais que commander. Comme le travail me fait peur, je vais être influenceur. Aucun besoin d'étudier. Des produits, je vais placer. J'ai trouvé sur le net, à tout s'achète. Ma tablette est en fait, même l'amour fait recette. Du plaisir toute la journée, je crève, penché sur mon écran. Je rêve d'un peu de sentiment. Les réseaux, les ragots, les ados, le porno, la famille part en vrille. Comment apprendre à aimer? Sur TikTok, on se moque. Sur Twitter, on fait peur. Sur Facebook, on fait plouc. Je ne sais plus à qui parler. Assez liké, je n'ai pas le droit d'exister. Toujours le sur le compteur, à gagner des followers. Je ne suis qu'un numéro, le triomphe du zéro. Un jour ils auront ma peau. Fais gaffe à tes mots-clés, les GAFA à ton cerné. Ils revendent tes données. Je suis tracé, plus j'avance, plus je recule. Comment veux-tu que j'assume? Qui détient la vérité? Internet, ça rend bête, mais aussi, ça instruit. Pour chatter, GPT. Caroline est en colère depuis qu'elle t'a vu hier avec cette fille à ton bras. Caroline est dans tous ses états. Je te préviens tout de suite avant que cette fille te quitte. Caroline est en colère. Elle est venue chez moi hier. Elle s'est jetée dans mes bras. Moi tu sais je n'aime pas ça. Ah vraiment tu exagères. Elle a vraiment tout pour plaire. Caroline est en colère. Et Caroline est en colère. Et Caroline est en colère. Et Caroline est en colère. Ah vraiment tu exagères. Elle a vraiment tout pour plaire. Comme elle était en colère, il a fallu la calmer. Et je lui ai servi deux, trois verres. Et après on a dansé. Elle m'a dit c'est une joie d'avoir un copain comme toi. Et Caroline est en colère. Et Caroline est en colère. Et Caroline est en colère. Et Caroline est en colère. Vraiment tout pour plaire. C'est 26. Elle s'est couchée sur le lit. Toi tu sais tu es mon ami. Mais je n'ai pas pu résister. Je lui ai donné un baiser. Elle m'a dit c'est une joie d'avoir un copain comme toi. Caroline est en colère. a vraiment tout pour plaire. KFAI is proud to present the Minneapolis Afrobeats Dance Party at the Cedar Cultural Center on Saturday, December 14th. Wrapping up the Cedar's 35th year celebration in full shake body festive form, charismatic host, culture rapper Fanaka Nation brings his fusion of hip-hop, African, and other worldly sonic delights to our dance floor. Featuring sound selectors DJ Quay, KFAI's Salif Keita, and a guest performance by Bakari. Tickets for the Minneapolis Afrobeats Dance Party can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà. Well, bonsoir everyone. I'm back. And we are back after those three songs. So, Freddie, what songs did we listen to? Well, first of all, Romain, thank you for coming. We appreciate it. All the I time. I did everything I could to be on time, mm-hmm. but I couldn't escape. And we are very grateful for all the time that you're volunteering for free for KFL. Well, that's so volunteering. It's usually for free. Well, I can't remember who said there was this comedian or a writer from France, he said something like, it would be so much easier to get volunteers if we paid them. So, yeah. Mm-hmm. Well, yeah. We don't pay you. No, because I'm a volunteer. So, we listened to two songs from Danny Briand. The first one was Internet, and the second one was Caroline est en colère. C'est vrai. And my sister, she's always she's always career. Okay. Mm-hmm. Do you think he was talking about his sister? Well, who else? Okay. All right. Next time I see Danny Briand, I will talk to him about it. Okay. And then Marianne Dissa, who spent some time in Minneapolis, actually, and the name of the song was Écrivain Public. Mm-hmm. So that was pretty nice. And we're going to keep on playing songs that we have no special themes. Which is good. Yeah, I have some more recent songs, some old ones. So as old one, we're going to listen to two Etienne Dao. Mm-hmm. Etienne Dao, but this album is like a deluxe. You know, I mean, greatest it's old hits. Songs. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it's older songs with either remix or things like that. So it's from his album, Les Chansons de l'Innocence Retrouvée. The songs of the innocence found again, mm-hmm. and it's from and then the first song is going to be la peau dure, mm-hmm. you know, hard skin and mm-hmm. like being tough kind of deal, and more. I don't know. I think peau dure means also very much resilient in French. Mm-hmm. Avoir la peau dure is yeah, much more resilient than that. You went through a lot of things, but you're still you know, standing in right. And it's a Cyanure remix. So mm-hmm. don't get poisoned. And Amoureux Solitaire, the Solitary Lovers. And it's a remix by The Shoes. Mm-hmm. And The Shoes is the name of the what? Band. And then we're going to listen to Stéphane Ouada with a song called Cœur de Verre. And it's a cover from the song Heart of Glass of Blondie. Oh, yes. And that song is part of the Emily in Paris season 4. Mm-hmm. So, très bien. On y va? Ben c'est parti, mon kiki. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure. Tes souvenirs ont la peau dure, fêlure. À chacun son chemin, chacun ses déchirures. Mais je les ressens comme toi. Fracture et mure, poussé seul sur un tas d'ordures, torture. Redouter d'être une imposture, froidure, qui nous gerce le cœur, et rouille les jointures. Oui, je les ressens, quand les larmes de l'enfance, toute la vie sont murmures, poussent sur l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Griffure, je lèche ta triste figure. Morsure, ton sang et ses éclaboussures. Roulure, et salauds qui peu à peu nous ont ta l'usure. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance toute la vie sont murmures. Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent? Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Oui, je les ressens. Oui, je les ressens comme toi. Oui, je les ressens comme toi. Vraiment. Amour solitaire dans une ville morte. Et voilà, voilà. And we're back, and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio with Freddy. And Romain. And we listened to three songs, exactly, as always. We listened to two songs from Étienne Dao. The first one was La Peau Dure, and the second one was Amoureux Solitaire, which was interpreted also in the past by Leo. Leo, mm-hmm. Belgium singer, very popular in the 80s. Yeah. With the banana of Portuguese descent. Yeah. Yeah. And if you're coming to the Alliance Française dance party on Friday night, there will be some Leo. You think there'll be some Leo? Well, like when we went to La Femme, Jake Rude, the DJ, mm-hmm. who will be doing, he will be DJing at the Alliance Française dance party. He played during the intermission at La Femme, he played Banana Split. Oh, cool. Yeah, that's a good one. Yeah, so that was cool. I don't know if I'm going to go on Friday night at the Alliance Française dance party, but... Mm-hmm. I was not at La Femme either. No, but I thought I had sent you the video. Mm-mm. No? No video, I don't think, but okay. We'll check. Yeah. And then the last song was Stéphane Ouada, and it's a cover of Heart of Glass from Blondie, and so it's Cœur de Verre, oui. Bah, oui. Which means? Heart of Glass. Oh, man, you're good. I know. Well, 20 years... Yeah, that counts for something. And Brian is in the kitchen. Of course. You know, I never heard that. No, but that's apparently more recent. Yeah, is it? At our, but I, like, my tailor is rich. Yeah, that was... That was before us. Yeah, exactly. And I've never had Brian is in the kitchen, but the other day they were talking about it on a French radio show that I listened to. Mm-hmm. And they were talking about what do British kids... Who learn French? Yeah. What's that sentence that you never use anyway? That, you know, that's really pointless. But it is la plume de ma tante. My aunt's feather, or you know, a squill, or not squill, quill. My aunt's quill that she writes with. So go use that in a sentence. Yeah. You know, in a conversation. Well, good luck. Yeah, it is not easy. Mm-hmm. Brian is in the kitchen. Oh, that's more, a little bit more practical. Yeah. Well, provided you know a Brian. Yeah. Or. But you can change your name. Yeah, well, yes. I think so. But it doesn't sound the same. Freddy's in the kitchen. Yeah, it could be. Yeah. We're going to keep on listening to music because that's what we're here for. We have a day job, so don't worry about our bills. You know, we are not going to give it up for a while. We're going to listen to a band called La Trale. I have no idea what it means. T-R-A-L-E. And we're going to listen to two songs. The first one is Gaz. Like Gaz. Gaz. Mm-hmm. And pale, like being pale. Mm-hmm. And it's from their album Chute, like a fall from 2024. And it's only like one word. One word. Single words. Oh, you were making the comment about Luan. I think her album is, there's only one song that has more than one word. See? Mm-hmm. All the other songs are just one word. Yeah. Yeah, you were saying that. I mean, it joking. Costs less when you print the... True. You know, the sleeve and... Less engraving. Yeah. And then François and the Atlas Mountains, and we're going to listen to their single called Adoré. Très bien. Like adore, love. Mm-hmm. On y va? C'est parti. Je suis têtu de base. suis bien décidé. Des vies de cire sous le soleil brûlant, les emballe d'un sourire, l'air si content. Qu'est-ce que l'on peut choisir sans avoir d'argent. Est-ce que l'on peut s'offrir au plus aimant? Tu ne peux pas les suivre au cas où. Tu ne sais pas les suivre au cas où. Retranchement sur le moment présent. Jusqu'au fond des songes, tu rêves de t'enfuir, de quitter leur honte, de fuir leur voix de sbire d'une tristesse immonde. Échappe-toi dans un rire, invente ton monde. Tu ne veux pas finir. Comme c'est fou, à craindre le pire, on s'y fout. Tu ne sais pas les suivre au cas où. Tu ne sais pas les suivre au cas où. Rebranchement sur le moment présent. Et voilà, voilà. We are back. And we listen to three songs. So, La Tralle is the name of the band that was singing the two first songs with Gaz. And the second one is Pal. And it's a band like, I mean, the album is from 2024. I just bought it from La Souterraine, mm-hmm. From Bandcamp. And it's a... it's a new band. I mean, mm-hmm. It's fairly recent and stuff. And where are they from? Do you know? No, I don't. Usually when I do French influences, mm-hmm. I look up where they're from and yeah. stuff like that, but I haven't taken the time mm-hmm. on this one. And then after that, it was François and the Atlas Mountains with Adoré. That was pretty nice. Oh, yeah. I liked it. So we're going to keep on going. We're going to listen to three more songs. We're going to listen to two songs from the Liminianas. Mm-hmm. So, je les aime bien, but often they sing in English. Mm-hmm. So, there are a few songs that are in yep. French, but this one is from their album Down Underground LP from 2009 to 2014. And the first song is Je m'en vais, I'm leaving. Ah bon? Yeah. Oh. But no, it's the Liminianas. Ah, okay. And then, je suis une go-go girl. Ah bon? But no, she's still the Liminianas. And then, after that, we're going to listen from another band who has a new CD. Well, the CD is from 2023, but they're more recent. It's Out of Phase. Mm-hmm. And this song is the only one that's in French from the, I mean, they are French, but most of their songs, like nine of them, are in English, and this one is in French, and it's a cover, Quand la ville dort, When a City Sleeps, De Niagara. Niagara. And it's featuring Loïc Fleury. Do you see there are talks or more and more like pressure on Niagara to do like a reunion concert? I don't know if, you know, they're separated, but they've not performed in what, like 15, 20 years maybe? Right. So that would be cool. So pressure like mob or kind of pressure? Oh, yeah. No, but I see that. I've seen that quite a bit, like, you know, like stuff like Les Inrocks or RTL2, and that there is pressure for a reunion. Because I think Religion, you know, the album, maybe it's 35 years ago? I don't Religion? Know. Or, I'm not super familiar with their albums. Uh-huh. I know some of their singles, but... Yeah. But yeah, they started as more like pop, you know, kind of cute stuff. Yeah. But their last two albums, Religion and even the one before that, they were more like rock. Yeah, they were more rock and heavier. Yeah, than before. On the content too, on the lyrics. Oh, yeah. So it was just in passing, I wanted to give that information. All right, we'll check it out. And, c'est bon. On y va. Allons-y. Thank you. ton sourire est malsain. Tes mots dans tes caresses, je n'en voudrais pour rien. Tu saignais si fort, tu me tenais la main. Je t'ai charcuté et j'ai pu chanter enfin. Je suis une go-go girl. Je suis une go-go girl. Juste une go-go girl. Une jolie go-go. Les soirs quand je danse, toutes les nuits tu viens. Dans ma cage en hauteur, je chante ce refrain. Tu n'as pas une chance d'obtenir jamais rien. À coups de couteau, j'ai scellé ton destin. Je suis une go-go girl. Je suis une go-go girl. Juste une go-go girl. Une jolie go-go girl. Je suis une go-go girl. Je suis une go-go girl. Juste une go-go girl. Une jolie go-go girl. Je suis une go-go girl. Je suis une go-go girl. Juste une go-go girl. Une jolie go-go. Sous les feux du soleil. neiges ne font pas au printemps, alors j'aurai peut-être le temps. Le silence est d'or quand la ville dort. Je laisse aller le sort. Je n'ai aucun remords. Mais si le ciel ne me tombe pas sur la tête, si la lune a comme un verre de fête, si la neige ne fond pas au printemps, alors j'aurai peut-être le temps. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, voilà. And we are back. So we listen to three more songs. Exactly. So two songs from the Limignanins. And the first one is called Je m'en vais. And the second one is called Je suis une go-go girl. And in both cases, I'm not involved. And the third one is Extra. And it's spelled with two A's. And it's a French band. And they made a cover of Quand la ville dort, When the city is sleeping, from Niagara. Mm-hmm. And we look, and actually Niagara was... The last album of Niagara, called La Vérité, was from 1992, mm-hmm. The one religion we were talking about. 1990. And Cetacé was 88? Quel Enfer was... Quel Enfer, sorry, with the song Cetacé. Well, yeah, Quel Enfer. And Encore un dernier baiser was 85. Mm-hmm. And regarding La Trale, we didn't find much because they just showed their participation at in like compilation from La Souterraine. Best of, and the only thing we know is they are from Granville in France, so in Normandy. Oui. Yeah, that's just at the border with Brittany. Yes, really well guarded border. Oh yeah, especially from the Normandy side, yeah, because yeah, they don't want the Britons to come and steal the Mont Saint Michel again. No, or yeah, ever. So we're gonna listen to more music. We're going to listen to a band that I just discovered last time, the Rolling like Stones. Recently. It's called Minimal. And it's a woman singing, and it's in between rap, mm-hmm. R&B. It's pretty modern. And it's from the album Minimal. Minimal, c'est pas un petit homme? No, It's not mini animal non plus. Ah, okay. And the name of the album, the name of the first song is going to be Deux, but Deux, like D-E-U-X, two. Like the number two. Mm-hmm. And the second song is going to be Petit Prince, or Little Prince. Mm-hmm. And then we're going to listen to something going back to 97. Yeah. Naps with La Kiffance. Ah ben, bien sûr. All right, mm-hmm. On y va. C'est parti. Papa, mon ami. J'étais mon ami. Papa, mon ami, yeah, oh, je suis mon ami, yeah, parle-moi d'une. Papa, qu'a-t-il fait dans ta vie? Où est-il? Spirituel ou bouddhiste? Qui es-tu? Évangile ou parole? Qu'est-ce que tu crois? Enfer ou paradis? Quelle est la différence? T'as changé, t'es plus le même. T'es bizarre. Parle-moi de Dieu. L'insulte, c'est dans l'expression. Déjà, c'est bon. Il m'a fait ce coup de hum. Oui, c'est vrai, pas de pression. Parle-moi de Dieu. te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Elle me parle plus du quartier, du shit, de la police. Toute la semaine comme le J en folie. J'fais des cendriers, canettes dans l'Audi. J'passe les vitesses aux palettes vers Conti. Vas-y, garde-moi la barrette, là j'suis en Conti. Comme à l'ancienne, j'mets le pôle au crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. J'prends Uber et du Calais au Georges 5. À la Ribéry, j'mange des entrecôtes à 1005. J'vais faire un tour, j'suis sans casque en 125. J'suis dans la kiffance, j'me sens plus d'attendre le 5. J'fais plaisir à ma mère, dans le ménage, elle a trop souffert. Ma mère, c'est ma reine, j'la laisse même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rôde le toit ouvert. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Et voilà, voilà, voilà. Yeah. It is 9:17. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. And we listened to three songs. Exactly. It was the band called Minimal with the song Deux or Two and the song Petit Prince, Little Prince. And just now was Naps with La Kiffance from his album Les Mains Faites pour l'Or. And actually, it's from 2021 and not 97, like I said earlier, because... I was thinking, well, it was Naps is older than I thought. It was on a different role. So the song we're going to listen next is going to be from 97. It's from a compilation that I got back from my mom's last time I went to Paris, called Pure Style Numéro 1. Oh. Pure Style Numéro 1. Ah, bah oui. Or Pure Style Number 1. And it's going to be Tribal Jam with Démarrer le Show. And then two songs from Zao, from album Resilience from 2023. And the first one is Roi de Coeur, and featuring Indila. Oui. And the second song from Zao is going to be Échec et Mat. Très bien. All right. Should we talk about the events too? Yes, we should. Very good reminder, thank you. So tomorrow there's going to be, I talked a little bit last week, but there's going to be Les Navigateurs de la Littérature. So it's tomorrow, December 11th, and it's between 7 and 8 p.m. It's organized by the Alliance Française, and it's a book club. Book club, thank you, Romain. I'm glad you're here. I know. But it's online. So you got to go to afmsp.org in order to get the link. Then Fête d'hiver, or La Fête de l'hiver, winter celebration for the whole family. It's going to be at the Alliance Française itself. So it's 227 North Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota, 5545. And... it's going to be a family celebration. So, you know, it's a friendly event. There's going to be vin chaud and bûche de Noël and music while the kids watch the movie Kina and Yuk in the gallery. It's between 6 and 7:25 p.m. That's pretty precise. Ouais. And they even heard that Petit Papa Noël might bring some presents for the nice kids only. Mm-hmm. Yes. Say. What a pressure. Yeah. But it's too late now. I mean, if you've been a naughty kid all year, even if you were nice, the last next 5 minutes. Doesn't work. And believe me, I know what I'm talking about. Yeah, we'll talk to your mom about it. And and so there's a small fee for it, but feel free to check it out and to get the tickets at afmsp.org. And that is in between 6 and 8 p.m. But after that, party time! Party time! Falala, orala, dance party with DJ Jake Rude. It's 21 plus, so I don't know if I can go in. You have a fake ID. I don't know. My son can now. Mm-hmm. Yeah, he can. Yeah. Not that he would want to, I don't think, but he can if he wants to. Yeah. It's going to be at the Alliance itself at 227 Colfax Avenue North. And it's the Christmas dance party to make it a bit of French. Join the DJ Jake Rude and dance to a mix of your favorite French and English songs. 21. DJ Rude has more than 20 years experience. It's been on some radios we won't name because it's not ours. And there's a small cost. There's a discount if you get a ticket in advance versus at the door. AFMSP.org for the reservation. Then there's going to be some holiday bread making classes on Saturday at 1 p.m. Also with the Alliance, afmsp.org. It's a baking workshop with Aurélie. And then there's also going to be a festive French dinner with Joe and Dodie Zaner. AFMSP.org as well. That is going to be on Wednesday, December 18th. And then this Sunday, the 15th, there's also another Afutaï Fall Winter 2024 program. It's at the Center for Performing Arts, which is located 3754 Pleasant Avenue in Minneapolis. And you can get more information at www.afutaiedimaco.com. Or you can go to our Facebook page and find the event. You'll have more information about cost and what is there and that sort of thing. I mean, you know, it's about 80 Afro-Caribbean and it's about dancing, djembe and that sort of thing. So that should be fun. Yeah. All right. That's all for the events. So we can play the music. And on y va. Yeah. C'est parti. Et bien goûter le rêve, parce qu'il m'est arrivé, wow. Des vagues qui ont tourné sur mes platines, et les bébés se mettent à fumer, les atouts affichés. Les bébés dolls sont décès, elles dépensent sur le vinyle, why. Plus personne n'est immobile quand la face est subtile, why. Je mets le feu aux poudres pour faire avancer la soule. Je mets le feu aux poudres et ma vie c'est cool. Des boules, des boules, des boules sur le yo-yo de la foule. Oh yo, il y a une flamme dans tes yeux. Oh yo, il est plein de mains vers les yeux, mon ami. Oh yo, yo, ce soir on met le feu. Oh yo, yo, le feu, le feu. Personne ne gagne. J'ai fait le ménage, je me fonds dans la masse. Pour t'oublier, j'ai dû tourner la page. Mettre une croix sur ton nom, plus jamais classe. Il m'aura fallu du temps. Et voilà que toi tu refais surface. Puis on devient cavalier, change de case. Gagne les faveurs de la dame et passe. Tous ces mots-là c'est du vent. J'suis complètement dépassé. Aïe aïe aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur est menacé. Aïe aïe aïe aïe aïe. Je ne veux pas toucher le fond. Allez allez allez, je connais déjà le refrain. Tu me mettras à terre alors. Tu vas ramer, ramer, oui, le roi est cerné fin. Échec et mat, bye bye. Allez, allez, allez, je connais déjà le refrain. Tu me mettras à terre à la moindre faille. Mais tu vas ramer, ramer, oui, le roi est cerné fin. Échec et mat, bye bye. Toi, tu veux revenir comme si de rien n'était. Mais l'amour que tu sais donner ne dure qu'un été. Je vois clair dans ton jeu, mais je dois éviter. Bye bye. Allez, allez, allez, je connais déjà le refrain. Tu me mettras à terre à la moindre faille. Mais tu vas ramer, ramer, oui, le roi est cerné fin. Échec et mat, bye bye. Je connais déjà le refrain. Échec et mat, bye bye. This is a tree. How do I know? Because there's nothing else like it. It's part of the landscape. In fact, it is the landscape, just like KFAI. KFAI is your musical landscape. With deep roots in the community, a home for great music you love to listen to, and the place where fresh air is made. So go to kfai.org and click the donate button to support non-commercial, community-powered fresh air radio. Et voilà, voilà. Et voilà, we are back again, 9:34. Bonjour Minnesota on KFAI Radio with Freddy. Mm-hmm. And Romain. Et ben voilà, c'est moi. And the first song we listened to was Trouble Jam from the last set with Démarre le show, start the show. Then Zao with Roi de cœur featuring Indila. And then another one from Zao with Échec et Mat. Mm-hmm. C'était bien. Yeah, yeah, I like that. I like Zao. Yep. And this is her album from 2022, so I'm hoping she's going to come with another one. Mm-hmm. Another old one that's still from the set album from Pure Style number one. Or Pure Style number one. Mad in Paris, instead of Made in Paris, mm-hmm. It's Mad in Paris. And Réveillez-vous, faut que ça bouge, wake up, mm-hmm. We need to move. It's going to be the first song. And then we're going to listen to two songs from Lewis Hoffman, which I discovered on Bandcamp. Mm-hmm. And it's pretty, I like him a lot. The first song is called Le Métro et le Bus. Mm. And the second one is called Un Amour au Super U. Eh ben, dis Super donc. U is a small supermarket in Paris. Yeah. Well, maybe elsewhere too. Well, Super U, it's actually a chain, it's like Leclerc. Yeah. And there are various sizes. We have a Super U in my, not far from where I'm from. Yeah. And it's, I mean, they are like Target size wise. Oh, right. They are, I mean, some are smaller. They are Hyper U. They are pretty large, like a Leclerc. Wow. But Super U, they are, you know, good size. In Paris, they have a Marché U. Size limitation. Yeah. No, but then that could be like Marché U, like the Franprix and, you know, that yeah. size. Well, Franprix, yeah. but yeah. And it's from his album, or actually it's not an album, it's an EP, it's called Yo Bene. Très bien. All right, on y va. Eh ben, on y va. des temps se retend au rythme des politiques sarcastiques. Et donne autant de sensations que le saut à l'élastique. C'est fantastique, comme les temps vont changer. Certains ça peut déranger. Il faut évoluer, mais l'évolution peut être un danger. Les avions dans le ciel, les cœurs artificiels. Mais rien ne peut atteindre la vie éternelle. C'est une course contre la montre dans laquelle certains se montrent plus dangereux qu'on ne le pense. Mais quand c'est que ces constateront les conséquences. En attendant la réponse, j'entends une âme qui relance. Yeah. Toujours les mêmes qui trinquent et les autres qui arrosent. On joue avec nos têtes comme avec des balles de ping-pong. De quoi devenir ding-dong aussi charmé que ping-pong. La psycho qui en a marre de la vie qui déraille. N'a qu'une seule envie, se jeter sous les rails. Mais moi j'avance pas, zap pas à tâton. Pour pas mettre mon pied dans un piège à raton. Et le temps s'écoule tant que c'est cool. Je me prends la tête sans chauffer les boules. Car faut rester compact, garder le contact intact. Avancer vers l'exact impact avec beaucoup de tact. Atteindre le sommet de la tour Eiffel de manière spirituelle, non pas artificielle. Brrr, c'est là que je me réveille. Errant entre le béton des tours des HLM, l'essentiel est d'être à la hauteur de soi-même face à la réalité des sciences et des guerres modernes qui dépassent l'imagination de Spielberg ou Jules Verne. Comme dans les séries B d'Aurore, les policiers hardcore. Mais quand je sors de chez moi, maintenant le film est dehors. Comme une tempête souffle le feu d'une allumette. On a besoin de mots qui sont censés souffler les mots de tête. Donc sonnez l'alarme dans les banlieues et provinces de France. Sonnez l'alarme. Péter les plombs avant de devenir fou. Réveillez-vous, réveillez-vous. Yeah. Faut que ça bouge. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Yeah. Faut que ça bouge. Réveillez-vous. Yeah. Réveillez-vous. Yeah. Faut que ça bouge. Réveillez-vous. C'est là que je te vois. Dans la nuit du tunnel. Oui, c'est là que je te vois. La couleur des yeux. Le mouvement de tes cheveux. Je rentre en pleine nuit. Et j'espère que je t'ai séduite. Car c'est dans le métro et le bus que je pense le plus. Car c'est dans le métro et le bus. je pense le plus. Et voilà. Voilà, voilà. I heard a weird... That was the end of the song? No, that was the mic. Oh, okay. I mean, that was the arm of the microphone okay. that I just moved and that kind of like I see, squeak. I see. All right, some, so... No, you heard it. Okay, so you're still listening to Bonjour Minnesota. It is 9:46. Indeed. And so we listened to three songs for a change. the first one was by Madine Paris, avec Réveillez-vous. Then Le Métro et le Bus by Lewis Hoffman. And another song by Lewis Hoffman, Un Amour au Superbu. Yes. Very romantic. Yeah. And we are going to listen to three more songs before Balkan Jamboree, well, more than three songs before Balkan Jamboree in 13 minutes. At least one set for sure. Yeah. Oh, yeah. And we're going to start with Timothée Joly with Demain Vient Tôt, Tomorrow Comes Early. I like him. Mm-hmm. Then, and that's an album from 2021, Platique. Then Jacques, just the first name, Jacques, it's like Cher, no last name. No last name. Qu'en avez-vous fait? What did you do with it? Mm-hmm. And that's from L'Importance du Vide. Numéro 2. Yeah, numéro 2, sorry. 2.0, actually. Yeah. 2024. And then another song by Jacques with Ça se voit, you can see it. And same album, 2024. All right. So they're pretty short songs, actually. So, but they're fun songs. Yeah. All right. C'est parti avec Timothée Joly. De cœur lourd, j'ai le sommeil léger. J'suis tellement fatigué, fatigué de lutter. Le stress, l'anxiété, un cauchemar réveillé. Je ne peux pas me libérer, je ne peux pas me réveiller. Demain bientôt, oh oh, je fais dodo quand le ciel est beau. Demain bientôt, souviens-toi ce qu'on a vécu. tous les mots qu'on a dit, les envies qu'on a vraies. C'était beau, c'était vrai, c'était tout ce qu'on avait. Mais le temps a fait son œuf, nous dispatche dans l'espace. On se frôle, on se croise, mais jamais on en reparle. Le monde qu'on a inventé, va-t-il un jour exister? Moi les rêves qu'on avait, je les ai comme avant. Et vous, quand avez-vous fait? Quand avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait? C'est un petit bout de toi qui a disparu. Quand c'est tombé, ça ne repousse. S'il te plaît, souviens-toi ce qu'on a vécu. Car c'est ce qui fait de moi ce que je suis devenu. C'est un petit bout de toi qui a disparu. Dans ton regard, je te vois plus. Ça fait bizarre, ça m'a ému. Voilà, we are back for the last time of the evening. Yeah, still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio with Romain. And Freddy. Yeah, and we are there every Tuesday. Yes. And one of us is. Yes, and we're here for another 5 minutes until Balkan Jamboree. Exactly. So we just listened to Timothy Joly with Demain Viento, and it's from the album Plastic, and not Plastic, Empathic. Plastic. I mean, plastic is the. I think the real title is plastic, but maybe there was a. It typo. Is the real title. Yeah, I know. Plastic. Yeah, plastic. And then after that, we listen to Jacques with "Qu'en avez-vous fait?" Speed up version 2 from L'importance du vide, and Ça se voit 2.0.